Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'une des plus grandes énigmes criminelles de l'histoire de la Belgique, l'affaire des tueurs fous du Brabant, soit un bilan de 28 morts et de 40 blessés entre 1982 et 1985, lors d'une série de braquages et de cambriolages qui ont plongé le pays dans la psychose. Pour les Belges, ce furent 32 ans à s'interroger sur l'identité de cette bande, sur ses mobiles, sur ses soutiens. 32 ans à imaginer tous les scénarios possibles, allant des tueurs psychopathes jusqu'à l'Opus Dei, de la piste de prédateurs mafieux jusqu'à un groupuscule d'extrême droite. 32 ans à tenter de justifier les errements de l'enquête, à panser les plaies au sein de l'État avec la mise en place de deux commissions d'enquête parlementaire. 32 ans à attendre qu'un jour, quelqu'un ose parler. Ce jour, certains pensent qu'il est arrivé en mai 2015, quand, sur son lit de mort, un ancien gendarme aurait confié à son frère être le géant de la bande du Brabant, celui qu'on reconnaissait à sa grande taille. Ce témoignage a été livré à la presse le 23 octobre dernier. Depuis cette date, chaque jour, de l'autre côté de la frontière, dans les salles de rédaction, on interroge de nouveau les témoins de ces massacres. On fouille les archives à la recherche d'un entretien oublié, d'une piste qu'on n'avait pas voulu suivre à l'époque, mais qui pourrait confirmer les propos de cet homme. Pour autant, notre but aujourd'hui n'est pas de lever le voile sur les secrets de cette affaire, mais, à la lumière des dernières révélations, d'établir un récit pour comprendre les contours de ce qui, répétons-le, fut un traumatisme en Belgique au cœur des années 80. Notre invité aujourd'hui, Gérard Rogge, l'un des journalistes de la RTBF qui a suivi l'histoire des tueurs du Brabant dès les premiers drames. Il nous attend à Bruxelles dans les studios de la RTBF. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. L'histoire des tueurs du Brabant commence dans le nord de la France, le 14 août 1982, à Maubeuge. Clair de lune ou pas, cette nuit-là, à 3h30 du matin, la police reçoit un coup de téléphone. Des individus seraient en train de cambrioler une épicerie. Une patrouille formée de 3 policiers est envoyée sur place. Bon, sans doute des petits voyous, rien de grave. Sauf qu'à peine arrivée aux abords de la petite épicerie, la patrouille se trouve sous les feux de l'un des malfaiteurs qui faisait le guet, et l'un des policiers touché. Alors que ses collègues le mettent à l'abri, la bande quitte les lieux à bord d'une Volkswagen Santana bleue. Le policier sera sauvé, mais ce jour-là, il aurait pu perdre la vie pour quelques bouteilles de vin, du champagne et du foie gras. Un peu plus d'un mois plus tard, le 30 septembre 1982, l'histoire se répète. Mais cette fois, en Belgique, à Wavre, une commune du Brabant wallon. Vers 10h30 du matin, plusieurs hommes s'introduisent, armes à la main, dans l'armurerie de Monsieur Decaize, qui raconte la suite, quelques mois plus tard, à un journaliste de la RTBF pour le magazine intitulé « Temps présent ». Il avait sa main dans sa poche, il m'a surpris, je suis toujours allergique aux personnes qui ont leurs mains dans leur poche, mais ça a été très vite. Je l'ai vu arriver directement, tu ne bouges plus, suivi d'une autre personne qui venait de l'autre côté de la rue, qui elle a sorti un fusil de chasse de sa gabardine, et nous a directement, m'a frappé directement à la figure. À mon avis, ils ont frappé pour qu'on ne puisse plus voir, aux yeux et au nez. On a saigné directement. Les clients étaient blessés également de la même manière, aux mêmes endroits, directement dans les secondes qui ont suivi. Nous avons été jetés à terre. Et bon, ils nous ont dit de ne pas regarder. En nous tapant, bien entendu, pour bien montrer, ils ponctuaient leurs paroles de coups pour bien montrer qu'ils étaient décidés. Et croyez-moi, on n'en doute pas, hein. Pas une seconde, ils sont vraiment très très agressifs. Il y a un des agresseurs qui s'est agenouillé sur mon dos avec le fusil de chasse, dans ma nuque. Et à ce moment-là, bon, ben, je me suis dit, il va tirer. Et bon, exactement ce que j'ai dit, je ne saurais plus le dire, mais je vous garantis qu'on déballe tout ce qu'il faut pour survivre. Ça, c'est, ça fait pas un doute. Lui dire que j'avais une femme et un gosse, tout sort dans ce cas-là. Bon. Et à ce moment-là, il a frappé sur ma tête pour commencer, et j'ai cru qu'il tirait. J'ai cru qu'il tirait, il était avec le fusil dans ma nuque, j'ai senti ma tête exploser, le sang couler de partout, j'ai dit, bon, c'est fini, il m'a tué. Moi, ici, maintenant, je suis occupé à mourir. Les braqueurs fouillent, prennent le portefeuille de leur victime, puis s'emparent de plusieurs armes. À l'extérieur de l'armurerie, un homme était témoin de l'attaque. En route pour prévenir les autorités, il croise un agent de la police communale à bord d'un fourgon. Le policier donne l'alerte, puis se rapproche de l'armurier. Quand il arrive, les trois hommes sortent, puis tirent. Le policier reçoit trois projectiles de 7,65, dont un qui atteint sa boîte crânienne. Il meurt sur le coup. Il s'appelait Claude Olotte. Il est la première victime de cette bande. Malgré cet assassinat, aucune panique ne s'empare des gangsters. Méthodiquement, l'un d'entre eux déplace le fourgon qui bloque la ruelle, puis les trois hommes quittent les lieux à bord d'une Volkswagen Santana bleue. Très vite, leur voiture est repérée par deux membres de la brigade de surveillance et de recherche de WAF qui se lancent à leur poursuite. La chasse court sur plusieurs kilomètres. Les policiers gardent leurs cibles en ligne. Mieux, ils les dépassent à un carrefour. Ils stoppent leur véhicule, sortent pour se mettre en position de tir, mais les braqueurs dégainent les premiers. Touchés, les deux policiers sont obligés de se mettre à l'abri. La bande, elle, s'éclipse dans la ville. Dans l'armurerie, les inspecteurs trouvent deux douilles de 7,65 identiques à celles tirées à Maubeuge. Vers 22h30, la carcasse de la voiture Santana est découverte en flammes dans la forêt de Soignes. Bilan de l'attaque, un mort et deux policiers blessés pour quelques armes. Quelques mois plus tard, le 11 février 1983, l'ombre des malfaiteurs réapparaît à Genneval, aux abords du supermarché Deleuze. Vers 19h10, ils sortent d'une Peugeot 504. Deux d'entre eux portent des masques de carnaval, le troisième a le visage caché par une simple cagoule grise. Armés, ils pénètrent dans le magasin. En entrant, deux des assaillants montent directement à l'étage, vers la comptabilité. Ils vident le coffre, tirent à plusieurs reprises dans le plafond, puis quittent les lieux avec un butin équivalent à 700 000 francs belges. Aucun mort, aucun blessé n'est à le déplorer. 14 jours plus tard, le 25 février 1983, à Uccle, une ville huppée de la région bruxelloise, de nouveau un supermarché de l'Aise est attaqué. Les individus descendent d'une Golf volée quelques jours plus tôt. Ils entrent, montent au bureau du directeur, vident le coffre. 600 000 francs belges sont ainsi dérobés. En sortant, ils tirent sans raison sur un vieil homme. Deux balles. L'une touche la jambe, l'autre finit dans un mur. Il s'agit d'un calibre 38, comme lors du précédent braquage. Le 3 mars 1983, à Halle, un supermarché de la firme Colruyt est à son tour victime d'un braquage. Même nombre d'individus, trois, même méthode. Mais ce jour-là, les assaillants tuent le gérant et repartent avec 1 200 000 francs belges. Le 7 mai 1983, nouveau braquage dans un supermarché de la firme GB. 800 000 francs sont dérobés. Puis, plus rien, durant de nombreuses semaines. Au sein des autorités judiciaires, les différents vols sont traités par des services liés aux localités où se sont déroulés les faits. Mais l'enquête s'enlise, piétine. Aucun lien, aucune piste. On ne sait rien de cette bande. À part son mode opératoire et les silhouettes qui la composent, trois hommes plutôt grands, athlétiques. L'un d'entre eux ferait plus d'1m90. Et 5 mois après le dernier braquage, tout recommence. Il est tard dans la nuit, les routes sont désertes. Ce soir-là, Jacques Fourez et Élise de Witt rejoignent leur domicile situé au sud de Bruxelles. Ils ont passé la journée à Paris. Presque sans essence, le mari décide de s'arrêter à la station-service du supermarché Colruyt de Nivelles. Alors qu'il allait finir de remplir son réservoir, une balle atteint son œil droit. Il meurt sur le coup. Sa femme tente de s'enfuir, mais les individus la rattrapent. Elle se débat, il l'achève de plusieurs balles. Puis, froidement, il déplace les corps pour les mettre à l'abri des regards. Après cet acte de violence, d'autant plus inouï qu'il a été commis sans raison apparente, les individus se concentrent sur la raison qui les a amenés ici, le braquage du supermarché. Ils réussissent à forcer l'entrée du magasin, mais n'arrivent pas à atteindre la salle où se trouve le coffre-fort. Et comme à chaque fois, les individus tirent sans sommation. Touché, un gendarme tombe. Les tueurs en profitent pour s'enfuir à bord de deux véhicules, la leur, une Saab, et celui du couple assassiné. Tueurs sanguinaires et pragmatiques. Glaçant. Prévenus, d'autres policiers se lancent à leur trousse. Vont-ils enfin les mettre hors d'état de nuire ? Peut-être. Sauf que les gangsters réalisent une manœuvre inattendue. À un carrefour, ils s'arrêtent, sortent des véhicules, puis tirent sur les policiers. Benoît Ruiz était l'un d'entre eux. Quelques années plus tard, il témoigne. Il y a un homme qui est sorti de la voiture qui était arrêtée, une Mercedes, de l'arrière gauche du véhicule, il est sorti, a un fusil à la main. Et immédiatement, c'était un fusil à pompe, il a pompé, il a commencé à tirer en avançant vers nous. J'ai pris la décision de foncer. Et j'ai foncé, effectivement, pas sur l'auteur, j'ai essayé de passer à côté de l'auteur. Et ce que je n'ai pas vu, c'est que du deuxième véhicule qui était à droite, le conducteur est sorti également avec un fusil. Et celui du gauche m'a touché à la tête, et celui-là de droite m'a touché à l'épaule. Il n'y avait pas de transition, c'était visible, ils voulaient nous abattre. C'était quasiment un guet-apens, style militaire ou commando, ou quelque chose comme ça. Après ces tirs, les individus abandonnent la voiture du couple, puis s'enfuient à bord de la Saab. Le lendemain, on la retrouve abandonnée dans une allée de garage privée de Braine-l'Alleud. Bilan de la tuerie, 3 morts, dont un gendarme. Pour quel butin ? Le cabas d'une ménagère, de l'huile et des paquets de café. Le coffre-fort du supermarché n'a pas été atteint. Au lendemain de cette tuerie, la presse baptise la bande les tueurs fous du Brabant. Désormais, la police comme la justice sont sous la pression de la presse et de l'opinion, car il faut arrêter le massacre. Il y a urgence. Alors, on met tout à plat. La Saab, d'abord, d'où vient-elle ? Elle a été volée dans un garage de Braine-l'Alleud. Cette voiture a également été remarquée 7 jours avant l'attaque à Nivelles par un vieil homme voisin de l'usine Vitok van Landhem, spécialisé dans la construction de matériel textile à usage militaire. Oui, réveillé en pleine nuit par des bruits, il a vu par la fenêtre des individus à l'intérieur de la cour de l'usine. Pour une fois, ils avaient pris la fuite avant l'arrivée des gendarmes. Quand ceux-ci pénètrent dans l'usine, ils découvrent le corps de l'homme et de la femme qui gardaient les lieux. Seul l'enfant du couple, une petite fille de 3 ans, a été épargnée. Et qu'ont-ils volé ? Des gilets pare-balles d'un type révolutionnaire, les Banza 14A2M, des prototypes que teste la gendarmerie belge. Ils en prennent 7, puis s'en vont. Maintenant, comment ont-ils été tenus au courant de la présence de ces gilets pare-balles ? Mystère. Dans la région, les braquages alimentent toutes les conversations. Dans la rue, comme dans la presse, on ne parle que de ça et les ventes d'armes explosent. Pour éviter toute nouvelle tentative de braquage dans la province, les autorités mettent en place un dispositif de sécurisation et de surveillance autour des supermarchés du Brabant wallon. Les brigades de gendarmerie sont renforcées par des effectifs de la Légion mobile, ainsi que par un escadron d'intervention de la brigade Diane, une sorte de GIGN belge. Malgré ses efforts, le 7 octobre 1983, la bande des tueurs fous du Brabant attaque de nouveau un supermarché, mais en région flamande, hors zone. À bord d'une voiture de sport volée quelques semaines plus tôt dans une auberge huppée d'Oa, ils débarquent en fin de journée sur le parking du supermarché. Ils sont 3, le visage recouvert d'un masque de carnaval armé notamment de riot gun. Dès qu'ils pénètrent à l'intérieur du supermarché, c'est la panique, comme le raconte cette caissière. Je me trouvais à ma caisse et tout d'un coup, ma collègue m'a répété « Regarde une fois derrière toi, il y en a 2 fous qui sont là. » On a cru que c'était le carnaval et je me suis retournée, mais à ce moment-là, le directeur s'est amené et il les a repoussés. Et à l'instant même, ils ont fait feu, directement. Leur masque était comment ? C'était des personnages. Comme des masques de carnaval ? Oui, non, des personnalités. Ah bon, c'est-à-dire quoi? Oui, comme Giscard d'Estaing et tout ça, vraiment des personnalités. Ils étaient grands, ils étaient... Très très grands, très très grands. Ils étaient combien alors? À trois. Ils avaient pris un garçon, celui qui faisait les charrettes, ils avaient pris comme otage. C'était un étudiant? Oui. Et comment ils l'ont traîné? Ils l'ont traîné au fond du magasin, près du rayon vin, et ils ont dit que si on bougeait, on l'abattait. Il y avait 3 blessés et 1 mort. 3 blessés et le directeur qui était mort. Le directeur qui était mort. Mais ça, c'était horrible, le directeur. Il a sauté jusqu'au plafond, comme ça, et sa figure, je ne pourrais jamais l'oublier. Sa figure a éclaté en morceaux. Terrible, terrible, terrible. connaissent le braquage de trop. Quelques jours plus tard, on annonce l'arrestation de plusieurs individus. Dans la presse, on nomme cette piste la piste Borraine. Comment ont-ils été arrêtés ? Eh bien, à cause d'une arme, un Roger calibre 38 qui atterrit dans une gendarmerie en mai 83. C'est une femme qui la dépose. L'arme appartient au compagnon de l'une de ses amies, un homme violent, souvent colérique. Voyou de profession, elle a peur qu'il l'utilise contre elle. Bon, puisqu'on lui apporte cette arme sur un plateau, l'un des gendarmes effectue des vérifications classiques. Il regarde notamment si cet engin n'a pas été utilisé dans des affaires dont on a beaucoup parlé récemment. Qui sait ? Dans la région du Borinage, en tout cas, rien. Mais dans la région du Brabant, bingo ! Ce Roger Police calibre 38 aurait été utilisé lors des trois braquages de supermarchés, oui, ceux de Genneval, Uccle et Hall. L'information, évidemment précieuse, est transmise au juge d'instruction de Hall qui décide de faire un test balistique. Et selon les conclusions de l'expert belge, il y a de fortes probabilités en effet pour que le Rogers retrouvé soit effectivement celui des braquages. Après quelques jours de surveillance, le mari, propriétaire de l'arme, un certain Jean-Claude Estevienhardt, est arrêté. L'homme pense d'abord à une mauvaise plaisanterie. Un supermarché ? Un mort ? Avec cette arme ? Non. C'était quand ? Impossible, j'avais pas encore acheté l'arme. Bien. Mais à qui l'a-t-il acheté ? À un dénommé Michel Cocu. Effectivement, ce Roger 38 vendu en 79 est enregistré au nom de cet ancien militaire qui a espéré un temps entrer dans la gendarmerie mais qui, à la suite de son échec au test d'entrée, s'est retrouvé agent au sein de la police communale de Boussu. Constant dans l'inconstance, ce monsieur Cocu a été depuis révoqué de la police. En même temps, il faut dire que l'homme a plus la fibre d'un voyou que celle d'un justicier. Après une tentative d'escroquerie, il a été condamné à 10 mois de prison. Alors, est-ce lui, ce loser, le cerveau du groupe ? Eh bien, les inspecteurs le pensent. Alors, il l'arrête, puis l'interroge longuement. A-t-il vendu l'arme ? Oui, en janvier. Ah bon ? Estevienhardt, lui, dit que c'est au mois d'avril. Or, deux témoins confirment les propos d'Estevienhardt. Donc, Cocu ment. Fort de l'avis de l'expert et face aux contradictions du suspect, les inspecteurs pensent tenir leur homme. Mais les preuves restent faibles. Il faudrait des aveux. Eh bien, ils les obtiennent. Mais à l'arraché, selon l'accusé lui-même. Avec le stress que j'avais, je répondais n'importe quoi. Et alors, c'était comme un tableau, quoi. Il y avait des petites cases vides. Et on me poussait à répondre certaines réponses. Interrogé à la force des gifles et des coups de poing, M. Cocu avoue tout et au passage n'importe quoi. Et puis il se rétracte, puis avoue nouveau. Bon, classique. Parmi les autres personnes qui sont arrêtées, donc ses complices, d'autres connaissent les faits sous la pression, eux aussi, puis se rétractent à leur tour. Bref, rien n'est solide. Pire, le 1er décembre 1983, alors qu'ils sont toujours aux arrêts, un nouveau braquage a lieu. La cible, cette fois, une bijouterie. Les gangsters, trois hommes, dont un plus grand que les autres. Ils sont entrés, ont tué la bijoutière et son mari, ont laissé en vie leurs enfants et puis sont repartis avec le butin. L'arme du mari, des montres et des bijoux, le tout, pour une valeur de 140 000 francs belges. La piste Borin était-elle donc une fausse piste ? Monsieur Cocu et ses amis sont-ils vraiment les tueurs fous du Brabant ? Et si ce n'est pas le cas, connaissent-ils l'identité des gangsters ? Des crimes ? Une psychose ? Des questions ? Tout recommence. Soon, smart too late, young too short, stupid too long. There's a time in life you have to protest. There's a time in love you have to take a rest. Je suis un vieux motherfucker. I'm just an old motherfucker. Don't worry, I'll say nothing. I can see, I can speak, but I've seen everything, I've heard everything. I'm still like a feather for each wind that blows. Je suis un vieux motherfucker. Je suis un old motherfucker. Brenne Lalleux, dans la banlieue bruxelloise. Une vieille Opel se gare sur le parking d'une grande surface de la chaîne Delhaize. Trois hommes masqués, longue veste en cuir, riot gun à la main, s'engouffrent dans le magasin. C'est l'heure de la fermeture, les clients se pressent aux caisses, coup de feu au plafond et dans des bouteilles de vin qui éclatent en mille morceaux. L'un des trois hommes crie, tout le monde à terre, on tire. Un homme veut protéger sa femme, il est froidement abattu. Les bandits font toutes les caisses, prennent un garçon de 17 ans en otage et s'enfuient. Sur le parking, un piéton, par hasard, se trouve sur leur chemin. Blessé à mort, il décédera dans l'ambulance. Bilan de ce premier hold-up, 4 morts. J'ai simplement vu donc quelqu'un courant avec un masque de carnaval, avec un fusil, et crier « l'agent, l'agent ». Apparemment, c'était des riot guns canonciers. J'en ai vu 3 masqués avec des longues vestes en cuir. 15 minutes plus tard, à 20 km de là, dans un autre grand magasin de la même chaîne, les mêmes hommes font irruption. Scénario identique, les tueurs tirent sur tout ce qui bouge, mais ici le carnage est encore plus horrible, 5 morts. Un colleur d'affiche électorale sur le parking, un garçonnet de 12 ans qui, à vélo, attendait ses parents devant le magasin, un homme de 40 ans, témoin de cet assassinat, une caissière qui n'ouvrait pas assez vite son tiroir caisse, et un homme abattu parce que, pris de panique, il s'était mis à crier. Comme ce malheureux monsieur ne se couchait pas assez vite, donc froidement tué. Ils ont tiré sur tout le monde. Les personnes qui sont mortes n'ont rien fait. Elles ont été tuées comme ça, on dirait par plaisir. Aucune trace jusqu'à présent des tueurs, mais il s'agit probablement des mêmes que ceux qui, il y a 2 ans, avaient défrayé la chronique dans la banlieue bruxelloise. À l'époque, on les avait surnommés les tueurs fous du Brabant. À la rentrée 1985, presque 2 ans après le dernier braquage dans une bijouterie d'Anderlecht, alors qu'on les avait presque oubliés, les tueurs fous du Brabant ressurgissent. Le 27 septembre, avec une audace inouïe, la bande lance 2 attaques, l'une après l'autre, contre 2 supermarchés de l'Aise. En 33 minutes, 8 personnes meurent sous les balles des tueurs pour un butin estimé à plus d'1 million de francs belges. En cet automne 1985, alors que les Belges s'apprêtent à voter aux législatives, les tueurs du Brabant reviennent dans les esprits comme un cauchemar qui ne veut pas finir. Dès le lendemain, le procureur de Paître confirme que cette dernière tuerie porte bien la marque de la bande de 1983. Les membres de la filière Borin, principaux suspects cette année-là, étaient de nouveau libres. La police vérifie donc leur alibi. Or, tous en ont, aucun d'entre eux ne pouvait être là au moment des faits. Une seconde bande, donc, celle qui aurait déjà agi en décembre 83 dans la bijouterie d'Anderlecht. Très vite, une réunion extraordinaire se tient au palais de justice de Bruxelles. Les différents procureurs décident de la création de 3 cellules d'enquête. une cellule d'information en charge de rassembler tous les éléments autour de cette heure, et deux task force, l'une sous les ordres de la gendarmerie, l'autre sous ceux de la PJ en charge de sécuriser les supermarchés à risque. Sauf que le risque zéro n'existe pas, car on ne peut pas tout protéger, partout, tout le temps. C'est le cas des supermarchés de la ville d'Alost. Le 9 novembre 1985, la patrouille de la gendarmerie doit assurer la surveillance de plusieurs établissements. Alors elle passe au Deleuze d'Alost, puis vers 19h30, elle repart. C'est à ce moment précis que trois hommes portant perruque et cagoule descendent d'une voiture Golf GTI. Huit personnes paient de leur vie cette nouvelle attaque pour 938 000 francs belges. Quelques jours plus tard, le 11 novembre, un homme est réveillé par des bruits de moteur. Là, au bord d'un canal situé entre Bruxelles et Charleroi, il voit deux hommes jeter des sacs à l'eau. Le lendemain, le témoin prévient la police. Le même jour, on retrouve, à proximité dans un bois, la carcasse calcinée de la Golf GTI. Quelques semaines plus tard, les armes des braqueurs, un 7,65, un 22 long rifle qui a servi à plusieurs attaques en 1983, une veste pare-balles volée dans l'usine textile et le coffre-fort d'un supermarché, sont repêchés dans le canal. Pourquoi se sont-ils débarrassés de toutes ces armes? Avaient-ils peur d'être repérés ou avaient-ils tout simplement assez d'argent? On estime tout de même la totalité du butin entre 6 et 7 millions de francs belges, soit entre 150 000 et 175 000 de nos euros. C'est aussi le prix de 28 morts. Pour le juge d'instruction de Prêtre, l'argent est bien le principal mobile de cette bande, comme il l'explique en 1986 à la télévision belge. La motivation, c'est l'argent. La motivation est l'argent. Je n'en vois raisonnablement pas d'autre. C'est le mobile, à votre avis. C'est le mobile. C'est le mobile. C'est le mobile. Ce sont des truands. Je pense que ce n'est que du gangstérisme. Je le pense. Quelle autre hypothèse envisager? Vous savez qu'on en a envisagé plusieurs. On a parlé d'une forme de terrorisme. Mais personnellement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je pense que le mobile, c'est l'argent. Et je vous répète, ce sont des prédateurs. Ce sont des prédateurs. L'attaque de novembre 1985 sera la dernière de la bande. Au lendemain de cette seconde vague de braquage, c'est toujours la filière Borène qui semble la piste la plus probable pour les juges. En mars 1986, à la suite d'un nouveau témoignage, Michel Cocu, qui avait été libéré mais inculpé, est de nouveau arrêté et mis en prison. Mais de nouveau, tout va s'écrouler. En effet, une nouvelle expertise de l'arme Ruger, le seul élément fiable dans cette enquête, a été demandée. L'arme est envoyée en Allemagne, dans l'un des laboratoires spécialisés. Et les conclusions du rapport balistique sont étonnantes. Les experts allemands confirment que c'est bien Ruger qui a été utilisé lors des braquages à Genval et à Halle. Mais il ne s'agit pas, selon eux, de celui de Monsieur Cocu. Le juge, pourtant, décide de ne pas déposer ce nouveau rapport dans le dossier. Mais l'avocat Michel Cocu prend connaissance de ce dossier grâce aux confidences d'un employé du greffe. Alors l'affaire fait grand bruit et le parquet de Nivelles est dessaisi. Cocu, lui, est libéré. Il quitte la prison sous les caméras et devant les micros. Vous avez passé 19 mois là ? Oui. Pourquoi finalement ? Pour rien. Innocent. Vous aviez avoué quand même ? Sur certaines conditions. Quelles conditions ? Mais ça, je vous dirai ça une autre fois. Mais la justice ne l'oublie pas. En janvier 1988, le procès de la filière Borède a lieu. Cinq personnes sont dans le box des accusés, dont Michel Cocu. Mais aucun élément n'est retenu contre eux concernant différents braquages. Maubeuge en 82, l'armurerie, l'auberge, tout comme ceux de la seconde vague en 1985. Non. Seuls des faits contre des supermarchés entre février 83 et septembre 83 sont retenus. Après plusieurs semaines d'un procès mouvementé, ils ne sont pas condamnés pour ces faits. Non, Cocu et ses compères iront certes en prison, mais pour des larcins de petits voyous sans grande envergure et en aucun cas pour les attaques liées aux tueurs fous du Brabant. Alors, qui sont ces tueurs? À partir de 1987, toutes les enquêtes en lien avec cette affaire sont à la charge d'une seule et unique cellule, basée à Jumet. Son rôle, fouiller toutes les pistes. et elles sont multiples et de tout ordre. On a évoqué à un moment l'hypothèse d'un chantage, d'un racket des établissements de l'aise, principale cible des malfaiteurs. Une hypothèse dont rien de probant ne sortira. On a également dit que ces braquages auraient été la couverture d'assassinats ciblés. N'y a-t-il pas de lieu plus pratique pour tuer quelqu'un qu'un supermarché? Et tout y passe, l'Opus Dei, les services secrets, des pistes, de nombreuses pistes, mais souvent fausses. Comme le rappelle en 1997 le juge de Petre lors de l'enquête parlementaire sur les tueries du Brabant. Bon, alors qu'est-ce qu'il y avait dans ces rapports? Bien, ces trois membres de la gendarmerie, pas de la BCA de Havre, liés les tueries du Brabant à une filière Liaxa, à l'assassinat contre le pape, à la tentative d'assassinat, non, tentative, d'assassinat contre le pape, pape et l'assassinat du premier ministre de Suède, à l'époque qui s'appelait monsieur Olof Palme. Voilà. Bon. Alors, est-ce que monsieur le juge Licker a envoyé des commissions rogatoires au Vatican en Suède pour vérifier la réalité de ce qui était contenu dans ces rapports? Mais c'est ça qu'il y avait dans ces rapports, monsieur le président. Une autre piste a souvent été évoquée, celle de l'extrême droite et de son influence au sein de la gendarmerie. En effet, lors des différentes attaques, plusieurs témoins ont mis en avant le professionnalisme de ces individus. Parmi ces témoins, certains policiers, dont Arsène Pint, l'un des fondateurs du groupe Diane, l'unité d'élite de la gendarmerie. Présent lors de la dernière attaque, il délivre cette déclaration étonnante. Ce n'est tout de même pas les nôtres qui ont fait cela. Car la technique d'attaque ressemble beaucoup à l'enseignement dispensé à l'époque aux membres du groupe Diane. Arsène Pint en avertit le responsable du groupe pour qu'on vérifie l'alibi de ses membres. Aucun d'entre eux n'est inquiété. Rideau. Au début des années 2000, le journaliste français Patrick Penaud reprend l'enquête pour le magazine intitulé « Passer sous silence ». Il a rencontré notamment Gérard Billet, un gendarme à la retraite qui lui a lui-même enquêté sur l'affaire des tueurs du Brabant. Comme d'autres, il a suspecté la gendarmerie. On lui a demandé de stopper ses investigations. Et il sera muté d'ailleurs après des évaluations négatives. En 2001, devant Patrick Penaud, Gérard Billet confirme la piste gendarme mais refuse de donner un nom. Donc, les tueurs du Brabant étaient peut-être aussi des gendarmes, d'anciens collègues à vous. Il se peut qu'il y en aurait dedans, certainement. Est-ce qu'il y a des éléments, à votre connaissance, qui auraient permis d'identifier un, deux... On parle à plusieurs reprises du genre qui boite. C'est le type qui a l'air très sûr de lui, qui marche, je dirais presque lentement, par rapport aux autres, tout à fait posément. Il a son arme, son réote, en général. Il avance en tirant, aussi bien vers quelqu'un qui est armé. Or, par la suite, alors que j'étais déjà interdit d'enquête, j'ai eu une information concernant justement ce géant qui boite. J'ai demandé à pouvoir continuer pour justement vérifier tous ces éléments. Je dirais même que c'était facile de mettre un nom sur le géant qui boite. Bon, vous n'allez pas me le dire, mais vous le connaissez, ce nom? Le nom, je le connais, oui. Maintenant, j'ai oublié. Je connaissais. Vous ne voulez pas le dire, quoi. Je ne me rappelle plus. Donc, vous pensez que c'est un gendarme? Si la piste était exacte, ce que je crois, il s'agit probablement d'un gendarme. Des gendarmes voyous. À l'époque, ce corps royal belge sent le souffre. Certains gendarmes sont même condamnés pour vol et pour meurtre. Les liens entre la gendarmerie et l'extrême droite belge ont également été prouvés. Une cellule, appelée le groupe G, formée de partisans du Front de Jeunesse, un groupuscule d'extrême droite, a existé. Est-ce qu'elle aurait pu jouer un rôle dans les tueries ou dans l'enlisement de l'enquête? Et puis, surtout, qui est ce géant qui boite? Depuis le 23 octobre 2017, un nom est apparu en une de toute la presse belge, Christian Bunkowski. Décédé en 2015, l'ancien gendarme de la brigade d'Alost aurait avoué sur son lit de mort être le géant des tueurs fous du Brabant. L'homme était effectivement grand, il mesurait plus d'1,90 m. Et puis, le portrait robot est ressemblant. De plus, en fouillant un peu dans la vie de cet homme, les enquêteurs découvrent qu'à la fin des années 70, ce jeune gendarme a été recruté par le groupe d'élite Diane. En septembre 1985, lors de la seconde vague des attaques, le gendarme Bunkowski s'est déclaré en incapacité de travail à la suite d'une blessure au pied. Un mois plus tard, lors de la dernière attaque de la bande à Alos, les témoins remarquent que le grand de la bande, effectivement, boite. Une somme d'indices qui laisse à penser à la justice belge que l'affaire avance, qui est une première depuis des années. Ce gendarme est-il bien le géant de la bande des tueurs fous du Brabant? Si oui, ses complices sont-ils toujours vivants? Et enfin, dans quel but ont-ils mené ces actions? L'argent? Ou bien était-il guidé par des aspirations politiques et terroristes? Comme l'indique Patricia Finet, l'une des filles de victimes, rien n'est pire qu'un crime inexpliqué et donc impuni. 32 ans après le braquage d'Alost, dernier fait d'armes des tueurs fous du Brabant, ce dossier hante toujours les Belges. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, frightened to live for their daily races, going nowhere, their tears are filling up their glasses, no expression, have my head, I want to drown my sorrow. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les tueurs fous du Brabant. Notre invité, Gérard Rogge, bonjour. Bonjour. Cet ancien journaliste à la RTBF, radio-télévision belge francophone, notamment pour l'émission Devoir d'enquête, et vous êtes l'un des spécialistes de ce dossier pour lequel vous avez réalisé de nombreuses enquêtes depuis les années 80. Alors vous le savez peut-être, et certainement d'ailleurs, deux de vos compatriotes sont devenus des grandes voix de France Inter, Charline Van Ecker et Alex Vizorek. Et tout à l'heure, je suis allé voir Alex pour la bonne prononciation de certaines localités de votre pays. Il m'a dit, si tu trouves la solution, c'est bien, parce que ça nous hante encore cette histoire. Vous confirmez en Belgique que ça vous hante encore? Oui, tout à fait. Il faut dire que depuis une trentaine d'années, chaque année, la télévision, la radio reparlent de cette affaire lorsqu'il y a un anniversaire ou lorsqu'il y a une nouvelle révélation, entre guillemets. Ce qui fait que même les jeunes générations sont au courant, même ceux qui n'étaient pas nés à l'époque. Et donc, toute affaire qui reste mystérieuse, bon, reste véritablement dans les tréfonds de l'imaginaire belge, mais c'est valable aussi pour d'autres pays avec d'autres affaires. Et c'est valable aussi, d'ailleurs, moi je me souviens de cette affaire, vue de France, elle était très, très frappante, très, très effrayante, hein. Elle nous avait touchés aussi, d'ailleurs. Oui. Alors, bah, oui, allez-y. Moi, j'étais aux premières loges. Hein, c'est le Colruyt de Nivelles où il y a eu deux morts civiles et un gendarme tué. Ben, moi, j'habite à quelques kilomètres de là. Les attaques de 85, le Deleuze de Braine-l'Alleud, c'est mon Deleuze qu'ils ont attaqué. Et je peux vous dire que dans la région, il y avait véritablement une psychose, surtout quand arrivait le vendredi ou le samedi, les supermarchés étaient déserts. Cela a duré quelques semaines. Et c'est à partir du braquage de Nivelles que l'affaire fait les gros titres en Belgique. À partir de ce moment-là. Ou avant. Oui, en 1983, hein, le braquage de Nivelles. Parce qu'avant cela, bon, il y avait eu des braquages, mais disons qui n'avaient pas fait les tout gros titres, hein, dans la presse. Mais là, évidemment, deux civils tués, un gendarme tué. Tout ça pour quelques paquets de café, quelques bouteilles de whisky. Là, c'était véritablement très, très étonnant. Et à partir de là, d'ailleurs, il y a des hypothèses qui ont été formulées. Hypothèses d'ailleurs qui n'ont jamais été vérifiées à propos d'un terrorisme. Donc ça n'était pas du banditisme ordinaire, mais du terrorisme. Et alors plus tard, en 85... là, nous avons des dizaines de morts, hein, en deux grandes attaques à Braine-l'Alleud, Overijse et à Lost, avec quand même un certain butin, mais là encore a ressurgi l'hypothèse du terrorisme face au banditisme ordinaire. Et ce qui est assez normal d'ailleurs, parce que toutes ces morts inutile, si tant est qu'une mort soit utile et de surcroît dans un hold-up, mais toutes ces morts, enfin, ils auraient pu prendre l'argent sans tuer ces gens, c'est des psychopathes. Donc, forcément qu'on s'est posé des questions. Est-ce que vous arrivez à comprendre, vous, les motivations de ces tueries, d'une violence absolument inouïe, quoi? Mais en fait, on s'est posé la question très tard. Très vite, hein, on a eu cette bande de borins, hein, plutôt voleurs de poules que grands truands, à disposition. Et ça a tenu en haleine la gendarmerie, la PJ pendant plusieurs années. Et donc on est peut-être passé à ce moment-là à côté d'une autre bande... sans le savoir, mais il y a eu véritablement une cristallisation sur ces borins, à tel point qu'à un certain moment, la seule preuve, c'est-à-dire ce fameux Rugger dont vous avez parlé tout à l'heure, hein, qui les accusait, lorsqu'il est devenu évident que cette arme n'avait pas tiré, eh bien, le juge d'instruction a préféré taire cette expertise qui avait été faite par un très bon laboratoire allemand. Et là, on tombe véritablement dans le dysfonctionnement. Ce n'est même plus un dysfonctionnement, c'est véritablement scandaleux. Et ce qui a poussé aussi les gens, le public, à se dire, mais non, il doit y avoir autre chose derrière tout ça. On nous cache tout, on nous dit rien, on nous donne en pâture ces pauvres borins. Mais il y a autre chose derrière tout ça. Vous confirmez que... Allez-y, finissez, oui. Je vous en prie. Non, je vous en prie. Vous confirmez donc que Monsieur Cocu et sa bande, c'est pas des tueurs, en fait, c'est des petites frappes, c'est ça? Oui, ce sont des petites frappes. Bon, ils sont connus pour avoir fait quelques délits, même pas avec des armes. Hein. Cocu aimait bien tirer, mais il allait au tir avec son arme. C'est ce fameux Rugger. C'était un ancien policier qui avait été donc... éjecté de la police communale parce qu'il avait essayé de faire une escroquerie qui n'avait pas réussi. Mais donc là, et les autres, alors là, c'est encore pire. Il y a un certain Baudet qui porte bien son nom. Hein, en wallon, un Baudet, c'est un âne. Il y a Estévenard qui est... un homme haut en couleur, mais le seul hold-up qu'il ait jamais fait avant ça, c'était à main nue. Il avait attrapé un facteur pour lui prendre sa gibecière. Donc en fait, on se trouve véritablement devant des gens qu'on peut faire avouer très facilement. Bon, je les ai rencontrés, c'était vraiment assez pathétique. Et donc, leur procès, on s'est focalisé là-dessus pendant très longtemps. Et leur procès, il sert à quoi, là? Alors, leur procès, bon, on s'est dit, ben voilà, il reste quand même les aveux. Et ce qu'a rappelé le président de la cour d'assises dès le départ, c'est que, bon, un aveu, et surtout, s'il est rétracté, ça ne fait pas une preuve. Et le président a dit au juré, bon, ce qu'on va essayer de savoir, c'est s'il y a des preuves dans cette affaire. Mais il n'y en avait aucune, hein, parce que quand l'expert qui est venu s'expliquer, l'expert belge qui est venu s'expliquer sur son expertise du rugueur, alors là, ça a été la déconfiture totale. On s'est rendu compte que cet homme n'avait vraiment aucune compétence et était un peu la honte du métier. Et donc, tout ça, évidemment, n'a pas rassuré l'opinion publique. Oui, ça, on imagine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire aussi en 88 d'armes congelées? Rappelez-moi un peu. Oui, alors là, on est au début du procès des Borins. Et tout à coup, le juge d'instruction qui s'était occupé de l'affaire quelques années auparavant arrive au procès en disant, voilà, nous avons une nouvelle piste, nous avons découvert une arme dans l'entourage d'un gendarme qui est pour l'instant en prison. Et cette arme, selon notre expert, a servi dans les tueries du Brabant. Donc c'était... c'était important, oui. Enfin, ce gendarme n'avait rien à voir avec les Borins. Et moi, on arrête le procès. Et puis, on va se rendre compte quelques jours plus tard qu'en fait, l'expert s'est trompé. Mais c'est le même qui avait désigné le rugueur de Cocu comme étant l'arme qui avait tiré dans les tueries du Brabant. Voilà, il se trompait une deuxième fois. Alors là, c'est véritablement la honte sur la justice belge. Pourquoi avait-on encore utilisé cet expert, c'est incompréhensible. Enfin, c'est comme ça la Belgique. Et je dois dire que à l'époque, et encore aujourd'hui, la justice était un petit peu le parent pauvre. Il n'avait pas toujours à sa disposition tous les moyens qu'elle devait avoir. Mais là aussi, on a dit, ah, mais ces tueries ont peut-être été fomentées par la gendarmerie elle-même pour, disons, créer un choc dans l'opinion publique et obtenir ainsi des avantages, plus de matériel, etc. Ça tient pas, ça, si? Ça tient pas la route, enfin, vous imaginez. Oui, c'est absurde. Bon, la gendarmerie à l'époque, c'était encore une institution respectée, respectable, avec quelques traîneurs de sabre, bien évidemment. On peut pas dire qu'ils étaient tous de grands démocrates, mais on peut dire que... Il y a des études qui ont été faites. Bon, jamais à la gendarmerie, il n'y a eu de complot contre l'État. Il y a bien eu quelques renégats parce que le groupe Diane, il avait une réputation sulfureuse, dit-on. C'est vrai ou pas? Mais non, c'est une réputation qu'on lui a donnée, parce qu'en fait, bon, il s'agissait de quoi? C'était un groupe qui avait été constitué après les attaques... Des Palestiniens aux Jeux Olympiques de Munich. Et à l'époque, en Belgique, on s'est dit, bon, ben, face à ce nouveau terrorisme, il faut qu'on se dote d'une brigade qui soit bien entraînée pour, en cas d'otage, par exemple, pour pouvoir libérer les otages, etc. Un peu le raid en France. Et cette donc, brigade a été constituée, on a pris des gens à la gendarmerie, on les a formés, etc. Cela dit, former les gens à sauver des otages, on ne voit pas très bien le rapport avec des attaques de supermarché. Effectivement. En plus, quand on étudie véritablement le modus operandi des tueurs, Certains experts sont venus dire au procès des Borin, non, c'est un modus operandi qui n'est pas enseigné à la gendarmerie, parce qu'ils se sont très mal positionnés, par exemple, dans l'attaque du Colruyt de Nivelles pour tirer sur les policiers qui arrivaient en voiture, parce qu'ils ont failli se tirer dessus eux-mêmes. Ce que des gendarmes n'auraient pas fait, quoi. Si ça avait été des gendarmes. Ce que les gendarmes n'auraient pas fait. Enfin, d'accord. Des gendarmes entraînés. Bon. Okay. Et j'ai vu qu'en fait, c'était ce que nous avions suivi à l'époque. Les brigades de police, etc. Et c'était toujours un problème quand il fallait se positionner pour un barrage, pour éviter de se tirer dessus. Hein. Si on mettait un policier de deux côtés de la route, évidemment, si tous les deux se mettaient à tirer sur celui qui se trouvait au milieu, hein, le malfrat au milieu, ils risquaient eux-mêmes de ramasser des balles. Donc, en fait, ce sont des gens déterminés, ce qui ne veut pas dire des terroristes. Gérard Rogge, alors justement, on va en arriver à la question, mais qui sont ces gens-là? En octobre dernier, une nouvelle information fait la une de la presse en Belgique. On va écouter ensemble un extrait d'un reportage de la chaîne RTBF. La piste n'est pas neuve. Cela fait longtemps déjà qu'un lien entre les tueurs du Brabant et la brigade Diane, l'ancêtre des forces spéciales de la gendarmerie, est sur la table des enquêteurs. Mais jamais un témoignage aussi concret n'était sorti. Cet homme qui veut garder l'anonymat affirme que son frère était bien celui que l'on surnomme le géant. Mon frère est en effet le géant des tueurs du Brabant. Il me l'a confirmé sur son lit de mort. Aujourd'hui, celui qui se présente comme le frère du géant appelle tous ceux qui ont des informations à témoigner comme lui. Certaines personnes doivent savoir quelque chose. Je l'ai appris après quand mon frère était sur son lit de mort. Et j'appelle tous ceux qui savent quelque chose à le dire à la police. Selon Odnis Blatt, le nom de l'ancien gendarme était déjà sorti en 99 lors de la publication de Portrait Robot. Mais à l'époque, il n'aurait pas été entendu par les enquêteurs. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce témoignage-là? Alors, vous avez dû beaucoup y réfléchir, évidemment. Évidemment, c'est un témoignage qui arrive au mois d'octobre. Là, les enquêteurs sont déjà sur cette affaire depuis plusieurs mois, depuis 7 ou 8 mois environ. Et aujourd'hui, quasiment un an après, il n'y a aucune concrétisation de cette piste. Et j'ai eu un peu l'impression qu'on avait lâché la piste aux médias au mois d'octobre parce qu'on ne parvenait pas à concrétiser véritablement la piste de ce gendarme. Mmh. En se disant, peut-être que ça va créer un choc de la population, que de nouveaux témoignages vont nous arriver, et peut-être que grâce à ça, on pourra résoudre le problème. Mais en fait, j'ai plus que l'impression qu'on est dans un cul-de-sac. Il faut bien dire aussi que, bon, je ne veux pas mettre en cause les déclarations du frère de ce gendarme, mais il faut savoir que ce gendarme était atteint d'alcoolisme d'une manière assez sévère, qu'il avait même des crises de délirium tremens, et qu'il est mort de cela. Alors, que quelqu'un raconte un peu n'importe quoi sur son lit de mort dans ces conditions-là, c'est possible aussi. Hein. Bien sûr. De toute façon, il n'en a pas dit plus. Il a dit, voilà, je suis un des tueurs du Brabant. Mais comme il avait déjà été interrogé, en tout cas appelé à la cellule d'enquête auparavant, donc quelques années auparavant, parce qu'il ressemblait au portrait robot et parce qu'il était gendarme à la brigade Diane. On avait fait un test de salive qui s'est révélé négatif quand on l'a comparé avec les ADN qui ont été retrouvés des tueurs. Et ben, disons qu'il n'y a pas eu de suite, effectivement, à l'époque, mais on peut imaginer que cette personne qui un jour avait été appelée à la cellule d'enquête tuerie du Brabant, avait dû en garder un souvenir peut-être un peu cuisant, et peut-être que dans son délire, sur son lit de mort, il a pu expliquer qu'on le prenait pour un tueur du Brabant, ou qu'il était un tueur du Brabant. Alors, quel est... En tout cas, on n'a rien trouvé de plus aujourd'hui. Donc, Gérard Rock, j'en viens à cette question, la question fondamentale. Qui sont ces tueurs fous? Quelle est votre conviction intime? Pas tant que ça, parce que vous l'avez peut-être révélé. Justement, dans cette affaire-là, il faut... Oui. Il faut pas avoir de conviction intime. J'en ai eu. Et c'est vrai que à une certaine époque, il y avait deux anciens gendarmes qui étaient de véritables truands, qui ont été soupçonnés. Et je pense, comme d'autres collègues à l'époque, nous pensions que véritablement cela pouvait amener à la résolution de l'affaire. Parce qu'il nous reste juste 15 secondes, pardon. C'est pour ça que je vous demandais d'aller à la conclusion. Je vous demande votre intime conviction. Et vous me répondez que c'est pas possible d'en avoir, en fait. Honnêtement, c'est pas possible, quoi. C'est ça? C'est pas possible, et je pense qu'au niveau de l'enquête, il faut repartir des faits. Et non pas se lancer dans des hypothèses, terrorisme et autres. Non, partons des faits, et puis essayons de trouver. Voilà, ce sera le mot de la fin en forme de sagesse. Pardon de vous bousculer, Gérard Rock, mais c'est l'heure, en tout cas. Merci infiniment pour tous les éclairages que vous nous avez apportés. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les tueurs fous du Brabant. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr, bien sûr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci Éric Morin, qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons l'histoire des évadés d'Alcatraz.